le 89.1, la radio culturelle à Québec. CKRL. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Et le feu s'en blanchit comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore une fois, j'ai parcouru Internet pour vous. J'ai ramassé plein de pièces gratuites. Encore une fois, on va avoir une sélection vraiment éclectique. Une émission planante, entraînante, bref, un peu de tout, comme à l'habitude. Je vous rappelle que si vous aimez les pièces, ben vous pouvez les télécharger gratuitement. Pour ça, ben vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, ça vous donne accès à plus d'informations sur les artistes. J'ai tendance à pas parler énormément durant les émissions pour laisser le plus de place possible à la musique. Donc, je vous invite à venir faire un tour sur le site de l'émission. Aussi, si vous manquez un bout de l'émission, ben l'émission est disponible en balado-diffusion. Vous avez juste à vous rendre sur le site, puis il y a les instructions pour télécharger. Cette semaine, bien, on va débuter avec une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. L'étiquette s'appelle Kreschloff Organization. Ils ont à peu près une soixantaine d'albums, donc une étiquette très prolifique. Je vais débuter avec Night Effect, un artiste qui vient de Budapest en Hongrie. Je vous fais entendre sa pièce, deux pièces plutôt. On va entendre tout d'abord Imbroglio, ça va être suivi par Seat of War. C'est sur l'album Modes of Dust. Puis ensuite de ça, c'est le même artiste, donc c'est Nick O'Theme, mais qui évolue cette fois-ci sous le nom de Sombre Concern. Donc je vous fais entendre la pièce de Journey. C'est sur l'étiquette Kreschloff Organization. Thank you. C'était la pièce de Journey par l'artiste Sombre Concern, un artiste qui vient de Budapest en Hongrie. C'est donc Sombre Concern, son vrai nom c'est Nick Othene, donc il passait. On avait débuté l'émission avec lui sous le titre Night Effect. On avait entendu State of War, puis on avait débuté avec Imbroglio. Fait à noter, Night Effect, cet album-là, toutes les pièces sont 2 minutes 8 exactement. Donc, c'est assez spécial. C'est rare qu'on voit ça sur les albums. L'album qui s'appelle Modes of Dust. Pour poursuivre l'émission Web Music, je vous présente un Russe qui évolue sous le nom de A7. Je vous fais entendre sa pièce Mine House. Vous allez voir, c'est assez étrange comme début. C'est des samplings de ballons qui rebondissent. Puis ça se poursuit dans une genre de dance expérimentale. Vous allez voir, il y a pas mal de sampling. C'est assez spécial comme pièce. Puis enfin, on va écouter un artiste allemand qui s'appelle Tracky Birthday. C'est sur l'étiquette Up It Up. Une étiquette vraiment intéressante. Je vais y retourner pour les prochaines émissions. Ils ont vraiment des trucs assez incroyables. Donc Up It Up, une étiquette qui vient de Rome, Stuttgart, puis Liverpool. Donc, on va entendre deux pièces de Tracky Birthday. Allez absolument voir son site, ça vaut vraiment la peine. C'est un site complètement fou. Donc, on va débuter avec sa pièce Free Jimmy, puis on va suivre avec une pièce un peu disco qui s'appelle New Wish Disco. Ces deux pièces-là se retrouvent sur l'album Animal Audition. Donc, c'est Tracky Birthday. On débute avec A7. Thank you.

C'était DML, la pièce BNT4, donc DML qui vient de l'Allemagne, c'est sur l'étiquette Grunfeld. Avant ça, on avait débuté avec Jonathan Pelham, sa pièce Gamma Jam, c'est sur l'étiquette Weft Records, une étiquette qui vient de Bristol au Royaume-Uni. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces gratuitement, puis aussi consulter la playlist de l'émission si vous venez tout juste de vous joindre à nous. Donc, pour ça, ben, vous vous rendez au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, on continue avec un artiste qui est sur l'étiquette KI Collective. L'artiste s'appelle Scantech. Je vous fais passer sa pièce, mon Dieu. Le nom est tout à fait imprononçable. Je crois que c'est en russe, donc je ne m'essaye même pas. Ensuite de ça, on va entendre deux pièces d'artistes qui sont sur l'étiquette Buddha Beats. On va écouter Suave avec la pièce Ex-Foc. Ensuite de ça, ça va être une pièce hip-hop assez planante. Une pièce qui s'appelle Hostile, c'est par Crookram. Donc pour tout de suite, Scantech. Thank you. minister. You're hostile. You just don't belong. Nice of you to let me hang around. Be the work of the person New York whose media have dubbed the vigilante. Parlo da New York, two men. Il commissario di polizia sta per iniziare una conferenza stampa sull'uccisione di sei manovri. Su conferenza polizia. Sono di New York, vigilante. Le nouvelles ne parlent que de vigilante. We're on the vigilante killing. See the commissioner now. Good morning, ladies and gentlemen. With him is Inspector Franco Chilton. He is in charge of the police department. C'était la pièce Hostile par Crookram, un excellent artiste. Ça se retrouve sur une compilation qui est sur Flow Magazine. Donc, je vous invite à aller voir cette compilation-là. Avant ça, c'était Suave, la pièce X-Fuck. Donc, ces deux pièces-là sont sur l'étiquette Buddha Beats, une excellente étiquette. Donc, ça va être tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous avez entendues à l'émission. Pour ça, ben, rendez-vous sur le blog qui est au www.webmusic.org. Vous allez pouvoir télécharger les pièces que vous avez entendues à l'émission. Donc, c'est tout pour Web Music. Je vais vous laisser entre les bonnes mains de Jason Vlasak pour son émission Jazzimus actuelle. Restez à l'écoute, ça s'en vient tout de suite.